j'en place une. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires de vice. J'en place, j'en place un pour mes adversaires de vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires de vice. J'en place une pour mes adversaires, 2000 tous ces mecs j'ai visé pile. Même si des fois un peu malhonnête, j'ai été, c'était ma façon de monter. Tu le sais, y'a tellement de paliers, gars, faut monter et déjouer. Plus grenard, j'suis rusé, habitué, souvent pesé, faut se lâcher. Mais en retard, mec, prends du poids. Où que tu passes, mec, mange la soie. Quoi que tu sois, cela devienne une fin en soi, et pourquoi pas. Trop tard, rester patient, mon cul, ouais. À force, tu ramasses que du vent, je crise. Finis par renier les boniments, impatient. Plus que jamais, je vois l'eau couler sous les ponts. Rassuré qu'en haut, y'a de la place que pour les bons, c'est bon. Sans jouer le patron, j'suis trompade, même moi. Qui jamais gros n'est qu'une culture en soi plus sage, certes, mais à part ça je vois pas. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires de vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires de vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires de vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires de vice. Un certain qu'on me laisse tracer pour mes gosses de ma frère. Un chemin du coup je prends le temps de m'en tracer. Et un frère aussi loin, je le vois pourtant. Je vois un certain, c'est l'expérience qui fait que tu comprends que les boniments ne font pas le destin. Si en chacun de nous réside un politicien, je troque volontiers ma place pour un morceau de pain. Un morceau de pain, un morceau de pain. Lui ce qu'il voulait, une place au soleil, se la roulait avec une belle au bras. Brave à lâcher la genre, beau gaillard. Clé en poche, paye le jaguar. Un faux pli et ta somme à coup de dollars. Vieillard, rêvera tout comme moi. Avec seule différence l'odeur des bâtards. L'odeur des bâtards, l'odeur des bâtards. L'odeur des bâtards. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires du vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires du vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires du vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires du vice. J'en place une. Soleil pour qu'ils viennent belle casse les poches remplies d'oseille. J'en ai Jean-Luc place une pour LMJ, ILMJ, LI. Autant que tous ses amis, j'en place une pour tous mes potes de ZAC. Y'en a assez que les mecs nous prennent pour des ZAC. Un jour, j'serai au top, 100% de mes moyens. Faut y croire dans la vie, pas baisser les bras. Faut un place, un gros doigt pour les gens que t'aimes pas. Place une gauche rapide contre la droite extrême. Tous ces fachos de racistes et le PJM. Esquiver, guetter, sauter sur la bonne case du fond de ton cœur qui jappe. Dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu penses. Mama de où t'es, j'suis sûr que t'es pas fier de tout ça. Mama de où t'es, regarde tes gars sont fiers de toi. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires du vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires du vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires du vice. J'en place une, j'en place un pour mes adversaires du vice. J'en place une. J'en place une.